me on R.I.G. R.I.G. Oh, la Marseille, c'est vachement toujours de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Je vais vous apprendre quelque chose. Paul McCartney vient enfin en France. Ce sera au mois de juin. Et parce qu'il vient en France et qu'il sera au Stade de France, j'ai voulu vous faire un petit cadeau qui date d'il y a 11 ans déjà. Écoutez l'ambiance, c'était dans une autre radio. C'était en 2004. Nous allons retrouver des gens que vous connaissez puisque je viens de les citer. Ce sont des gens que vous retrouvez le jeudi soir entre 20h et 0h. Comment dirais-je ? Allô et bonjour. Oui, bonjour, de loin. C'est de loin. On t'entend tout de même, Thierry. Explique un petit peu aux auditrices et aux auditeurs où tu te trouves et pour quelles raisons tu es là-bas. Je suis globalement à 30 mètres du Stade de France. Ce soir, il y a Paul McCartney en concert. Il y a du monde partout. C'est génial. Là, ce qui est dommage, c'est que tout à l'heure, il y avait les soundcheck avec Paul McCartney. On a entendu Lady Madonna. On a entendu des tas de choses absolument fabuleuses. Et ça vient de s'arrêter, donc c'est un petit peu dommage, mais l'ambiance chauffe de plus en plus. Est-ce que tu... Presque beau. Presque beau. On est en t-shirt quand même, mais la pluie menace. Alors, ça va être génial, en tout cas, ça va être génial. Dites-moi tous les deux, Thierry et Eric, est-ce que vous pourriez me donner un petit peu la température juste avant ce concert? Est-ce que les gens sont véritablement impatients? Oui, les gens sont très impatients. Tu veux que j'en fasse pousser un petit cri? Je vais essayer. Pourquoi pas, essayer de faire participer les gens, ce serait sympa. Par contre, Thierry, pendant que tu te déplaces, oui. Paul McCartney, c'est véritablement un gros événement pour nous Français, puisque Paul McCartney, on peut le dire haut et fort, qui a été le leader des Beatles, se déplace et vient en France. Toi qui es incollable sur ce sujet, ça faisait combien de temps que Paul McCartney n'était pas venu en France? C'est pas très longtemps, il est passé en mois de mars l'année dernière, en 2003, mais la fois d'avant, c'était en 93, et la fois précédente encore, c'était en 89, donc c'est franchement pas régulier, mais apparemment, sur ces vieux jours, il a envie d'en faire de plus en plus, et c'est tant mieux. Et est-ce que tu connais un petit peu le set? Il me semble que oui, le set qu'il va jouer ce soir, puisque tu en as parlé dans l'une de tes émissions. Est-ce que tu peux nous donner le départ du concert, tout au moins? Le départ du concert, je le dis pas fort, parce que j'aurais pas que ceux qui ne le connaissent pas l'entendent. Oui, bien sûr. La première chanson date de 1973, c'est Jet. Et ça mettra l'ambiance tout de suite, ça sera génial. Jet, on rappelle que ce morceau a été réalisé avec le groupe de Paul McCartney, les Wings, bien évidemment. Exact. En 1973, sur l'album Ben on the Run, et ça va être génial. Est-ce que je peux avoir un petit peu de bruit? On est en direct à la radio, on crie Paul ou un truc comme ça. On crie un petit peu Paul. Allez-y pour Paul McCartney, s'il vous plaît. Effectivement, mon ami Thierry, il y a du monde autour de toi. On peut également rappeler que ton émission est rediffusée sur le site yellowsub.net et que les gens auront l'occasion, donc tu vas leur en reparler de ce que tu vas voir et entendre ce soir. Donc yellowsub.net, un site à visiter. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de la personne qui a créé ce site et pourquoi? Là aussi, c'est par amour pour les Beatles, bien évidemment, mais est-ce que tu peux cibler un petit peu? C'est Clive. Oui, que tu avais eu d'ailleurs en direct. Hein. Je l'avais eu en direct dans la 204e émission. Et bon, ben, on lui envoie de grosses bises. En tout cas, on sait qu'il ne nous entend pas tout de suite, mais il nous entendra en rediff. Et ça va être génial, c'est promis. Et là, on est parti pour une nuit de fête. Une nuit de fête. Et en plus, tu en reparleras donc sur le site yellowsub.net. On rappelle que ton émission s'intitule « La saga des Fab Four » et que cela fait tout de même 20 ans qu'elle existe. Oui. Encore prêt pour 20 ans, Thierry? Oui, je continue. Alors, quand dis-moi, Paul McCartney continue, je continue. Est-ce que tu connais la composition du band de Paul McCartney, de l'orchestre un petit peu? Est-ce qu'il y a des gens que l'on connaît? Ah oui, il y a quand même le batteur qui a tourné avec Phil Collins, qui a tourné avec Johnny Hallyday d'ailleurs, avec Mylène Farmer, il me semble. Tu as Brian Ray, qui est aussi quelqu'un de très connu. Ah, je suis un petit peu perturbé là pour pouvoir te donner les noms exacts. Oui, mais enfin, les quelques noms que tu viens de me donner, ça rassure parce que ce sont tout de même des pointures et en tournant avec Paul McCartney, à mon avis, on ne peut pas faire autrement. Ça fait un beau CV, à mon avis, d'avoir tourné avec Paul McCartney. Absolument. Les garçons, je suppose que vous êtes accompagnés par vos moitiés respectives. Vous les embrassez de ma part. Oui. Et je vous souhaite bien évidemment un excellent concert à tous les deux. Ça va être génial, Jean-Claude. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous de nous avoir appelés. Salut. Thierry donc et Eric qui sont en direct à Paris, en direct on vient de les entendre, et qui sont devant le stade, un événement de taille. Paul McCartney en concert ce soir. Le premier morceau, l'ouverture du concert, ce sera donc avec ce titre, Jet, extrait de l'album Band on the Run. Souvenir, souvenir, comme dirait Johnny Hallyday. C'était donc en 2004 et on se connaissait déjà, Eric et moi. Et comme vous avez pu l'entendre, à l'époque, je faisais la saga depuis 20 ans. Et maintenant, on en est à la 31e année déjà. Que le temps passe vite. J'espère que vous allez bien, c'est Thierry Garrier. On est ensemble jusqu'à 22h et une petite virgule, le temps de passer tout. Parce que là, on a pris du retard. Et comme Eric ne sera pas là ce soir, eh bien, on va finir toute la playlist jusqu'au bout. Il y a un album de la semaine. L'album, c'est Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney en 2005. Il y aura Friends to Go, un hommage à George Harrison. Il y aura At the Mercy, English Tea. Il y aura Too Much Rain, This Never Happened Before et Anyway pour l'album de la semaine. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, par exemple, Look at Me. Pour George Harrison, ce sera tiré de l'album Living in a Material World, The Day the World Gets Round. Pour Ringo Starr, I Don't Believe You, excellente chanson prise sur son album Time Takes Time de 1992. Et puis les Beatles, ce sera par exemple The Fool on the Hill. Rejoignez-nous sur Facebook, le groupe La Saga des Fois Forts, ou sur macaclub.com, sur le groupe également La Saga des Fab Forts. Bonne soirée à vous, et puis bah, si on commençait, vous êtes prêts, vous êtes chauds, j'en suis sûr. Donc, on va arrêter le générique ici, et pour cette première chanson, Paul McCartney a dit, George Harrison aurait pu composer cette chanson-là, ça lui ressemble tellement. Le titre du morceau, c'est Friends to Go, et c'est sur RIG, la radio des Beatles. I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippy slope. I've been climbing up a slowly burning rope. But the flame is getting low. I've been waiting on the other side for your friends to go. You never need to worry about me. I'll be fine on my own. Someone else can worry about me. I've spent a lot of time on my own. I've spent a lot of time on my own. I've been waiting till the danger passed. I don't know how long the storm is gonna last. If we're gonna carry on, I'll be waiting on the other side. Tell me what I wanna know. I'll be waiting on the other side for your friends to go. Someone else can worry about me. Spend a lot of time on my time on my own. I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I'd prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been waiting on the other side. Sur cet album, Paul McCartney s'est remis en question. Il a appelé Nigel Godrich sur les conseils de son ami George Martin, qui lui a dit, bah, lui, il va le faire parce que moi, je suis trop vieux. Et Nigel, lui, carrément, a voulu bousculer Paul McCartney. Il a dit, d'abord, tu ne vas pas faire cet album avec ton groupe, tu vas faire enregistrer tout seul, comme tu l'avais fait en 1970 et en 1980. Et puis, non, cette chanson-là, elle me plaît pas. Enfin, je résume, hein, cette chanson-là, elle me plaît pas. Cette chanson-là, c'est pas bon. Celle-là, c'est bon. Ok, on va faire ça, etc. Bref, il s'est fait bousculer, le père McCartney. Et résultat, c'est un chef-d'œuvre, un excellent album. Alors, au départ, c'est vrai que je l'avais trouvé un petit peu mou du genou, l'album. Je voulais un peu plus de rock, mais finalement, après de 2005 à 2015, ça fait déjà 10 ans, eh bien, il reste toujours là, cet album. Il est toujours très, très agréable et à écouter. Voici John Lennon maintenant sur RIG et Look At Me, tiré de l'album Acoustic. Ah oui, parce que c'est une version spéciale. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. For you, what can I do for you? Here I am. Oh, my love. Oh, my love. Please look at me. Look at me, my love. Here I am. Oh, my love. Who am I? Nobody knows but me. Nobody knows but me. Et voilà, c'était George Harrison et c'était spécialement pour JP qui m'a demandé de lui faire un petit coucou ce soir. Bisous JP. Ah bah alors dis donc, elle voit sexy. Et en plus, elle ne veut pas que je la prenne en photo, mais j'ai des dossiers. Donc tout à l'heure, je pense, vous aurez droit à une photo de Pascal en studio qui date pas d'il y a 50 ans, mais qui date quand même. Donc voilà, c'était pour JP avec une voix sexy et Ringo Starr maintenant. I don't believe you sur RG. You've done me wrong. I can see it in your face. I can't take much more of this. I'm gonna put you in your place. Telling lies won't get you far. I learned that in my youth. I'm giving you just one more chance, and all I want from you is truth. I don't believe you. About your credit cards, all your fancy clothes. Forget about my rings and things, and the powder for your nose. It wouldn't take that much from you to keep me satisfied. But you won't see my face no more if you don't stop telling lies. I don't believe you. De l'excellent album Time Takes Time de 1992. Nous avons fait Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. Il est temps de passer aux Beatles. Alors puisqu'on passe aux Beatles, il faut que je vous parle de quelqu'un que vous commencez à connaître, Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine sur Facebook, sur Google+, sur Twitter, sur d'autres réseaux sociaux encore. C'est elle qui rassemble toutes les informations 7 jours par semaine, voire même 8 jours par semaine, tous les mois, tous les ans. Depuis de nombreuses années sur John, Paul, Ringo, George, les amis de ces fantastiques personnes-là, et également les animateurs qui font des émissions sur les Beatles, comme par exemple Michael Honorato avec Beatles Tonight le lundi soir à 10h aux USA, et comme on l'a écouté cet après-midi, Kyle au Canada, je ne sais plus trop où, je ne me souviens plus, mais on l'a écouté et c'était très très sympa aussi. Hello Kyle. Je ne vais pas citer tous ceux qui font des émissions de radio parce que je ne les connaissais pas tous, mais c'était plutôt sympa ce marathon cet après-midi. Écoutez le replay de Michael Honorato, écoutez Kyle, et puis la saga des Fab Four. Maintenant, je vous conseille d'écouter celle-là aussi, parce qu'elle est en français pour ceux qui aiment bien. Et donc, thank you lovely Rita. Voici les Beatles, The Fool on the Hill sur RG. day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world. On the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning of a busy road. Who can handle such a heavy load? At the mercy of a busy day, we can think of nothing more to say. If you show me love, I won't refuse. I know you'd never make me choose between the love I've got and the love I'd lose. Sometimes I'd rather run and hide than stay and face the fear inside. Of a busy day, who can better turn the head away? At the mercy of a busy road, we can watch the universe explode. Ça fait un petit moment que j'avais pas réécouté en entier l'album Chaos and Creation in the Backyard, et franchement, c'est bien. C'est... oui, voilà, pas d'autres commentaires, c'est franchement bien. Voici les Beatles par deux fois, si vous le voulez bien, vous n'avez pas le choix, comme d'habitude. D'abord, I'm the Walrus, sur l'album Magical Mystery Tour, puis sur l'album suivant, l'album The White Album, l'album sans nom, il y aura Julia, chantée par John Lennon. Thank you.

que vous avez compris l'essentiel du message de cette chanson. Jai Krishna, Jai Shri Krishna, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. C'était George Harrison en 1974 sur l'album Dark Horse. Et je vous propose une autre chanson des Beatles. Une chanson qui est extraite de l'album Revolver. Et le titre du morceau, c'est « Ici, là-bas, partout ». J'adore cette chanson. Lovely Rita would say the romantic side of Paul McCartney. C'était Paul et les Beatles forcément surérigés. Et retour à l'album de la semaine. Alors ça va pas être facile. Je pense qu'au montage je vais réussir à me débrouiller avec ça. Voici Paul McCartney qui parle de English Tea. Et comme après c'était en public, moi je vais vous passer la version studio. Donc voici Paul McCartney qui explique tout à propos de l'album de la semaine Chaos and Creation in the Backyard. When I was about to write this, what happened was I was abroad and I asked for a cup of tea. Now, if you're in England, you say a cup of tea and they know what you mean. But if you're abroad, they say, what kind of tea? But you have to say English breakfast tea and then you get a cup of tea. And I've got quite a few friends and I'm thinking of a particular sort of older lady who's posh. And I noticed that when she talked, she just had other phrases. So whereas I might say, would you like a cup of tea? She'd say, would you care to take a cup of tea? So I started noticing these little phrases. Once I got into this world of sort of eccentric old English ladies, I suddenly remembered, I read a lot of Charles Dickens, I suddenly remembered this word, peradventure. So I wrote it in the song and I thought, I can get away with this, this would be cool. And I looked it up in the dictionary just to be sure. And sure enough, it means perhaps, it means maybe. Peradventure, I'm amazed. So you'll find that snuck in here, the word peradventure. And this is it, English tea. Je vous résume rapidement ce qu'a dit Paul McCartney. Il dit il était à l'étranger et il avait envie d'une tasse de thé. Et quand on est en Angleterre, on dit je voudrais une tasse de thé simplement. Alors que quand on est à l'étranger, quand on dit je voudrais une tasse de thé, on vous répond ah oui mais quel thé ? Et on est obligé de dire l'English breakfast tea, un truc comme ça, voilà. Et il s'était rappelé d'une vieille anglaise qui, au lieu de dire je voudrais une tasse de thé, qui disait quelque chose comme est-ce que serait possible d'avoir une tasse de thé, n'est-ce pas? Enfin, je fais à peu près le style, quoi, si vous voulez, dans le style ampoulé, voilà. Et il a voulu s'amuser avec ça en faisant le style ampoulé de la bourgeoisie pour s'en moquer un petit peu. Et ça a donné cette chanson English Tea que vous écoutez maintenant sur RIG. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. Do you know the game croquet? Peradventure we might play. Very gay, hip hooray, any Sunday morning. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Real Love en 1988 sur la bande originale du film Imagine par John Lennon. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Thank you, Michael Honorato. We will rock. Baby sur RIG, une chanson tirée des sessions de l'album Rock'n'Roll en 1975, mais qui ne paraîtra qu'en 1986 sur l'album Man Love Avenue de John Lennon, forcément. Nous vous proposons, je dis nous parce que Pascal est présente dans le studio, nous vous proposons de revenir en arrière en 1965 sur l'album Revolver avec cette très belle chanson Norwegian Wood sur RIG. She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I to laugh. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath. Chapeau pour l'interactivité sur Internet, parce que je ne me suis même pas rendu compte, j'ai dit 1965, j'avais raison, et j'ai dit Revolver apparemment, alors que je pensais Rubber Soul, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis trompé. Donc merci à vous, là j'ai eu une avalanche de textes disant tu as dit Revolver au lieu de Rubber Soul, et oui, bah alors puisque vous le dites, je veux bien vous croire. C'était donc de Rubber Soul, et c'était aussi la première apparition d'un instrument indien, le sitar, dans une chanson des Beatles sur Norwegian Wood. La légende raconte, globalement évidemment, que Harrison serait rentré en studio avec ce sitar, et l'un des deux, sans doute Paul ou John, a dû lui demander, tu sais en jouer? Et il a dit, oui, si tu veux, je peux te jouer Norwegian Wood. Et c'est ainsi qu'est entré dans la musique pop rock anglaise, la musique indienne, grâce à Monsieur George Harrison, que l'on retrouve maintenant, je me rattrape, sur l'album, cette fois-ci, je vais pas me tromper, l'album George Harrison de 1979, avec ce titre, Soft Hearted Anna, sur RIG. Some refreshments. Officer Stella, just dispatch your order. I ate it and once my eyes could see you. Sooner had I hooped it down, I fell so far from the ground I'd stood on. My legs seemed to me like high-rise buildings. My head was high up in the sky. My skin in the sun began to fry like bacon. Then somebody overheard and asked, did I come far? And had me to see me up on happy as a dog. With somebody surfing to pretend I hadn't heard. There was someone beside me swimming like Richard the Third. I'm still smiling. Native girls swam seven sacred pools. Lone Ranger smoking doobie said you're breaking all the rules. Get your clothes on or else I'd be around. If it wasn't for my sunstroke, I would take you on right now. I'm still smiling. I fell in love with my soft-hearted Anna. She lives beneath pas si vous avez la même impression que moi, mais on a l'impression que le tourne-disque a du mal à attraper la bonne vitesse. Mais c'est certainement, connaissant George Harrison, c'est certainement complètement fait exprès. Je vous propose de revenir en 2005 et ce bel album Chaos in Creation in the Backyard de Monsieur Paul McCartney. Et voici une nouvelle chanson, Too Much Rain, sur RIG. Ce soir, les nouveaux arrivants se font le plein. Deux personnes, rien que pendant l'émission. Là, donc, hello, welcome to the newcomers. Parce que je ne sais pas s'il s'agit de personnes... Enfin, il y a Pauline McCartney qui est d'Amsterdam. Et puis, il y a un nouveau qui vient d'arriver, là, que je viens d'accepter. Tant mieux, merci. Parlez-en autour de vous. Et plus on sera nombreux à être sur ce groupe, la saga, et surtout à être participant à l'émission, puisque le groupe est surtout fait, c'est une extension de l'émission, eh bien moi je serais ravi. Nous en sommes à la 17e chanson, la chanson qui est la cover, soit une chanson qui a été chantée par les Fab Four, reprise par quelqu'un d'autre, soit une chanson qui est à l'origine d'une reprise des Fab Four, comme par exemple pour Little Richard ou d'autres comme ça. Voici le groupe mondial Playing for Change sur l'album PC2 Songs Around the World, sorti en 2011. Voici la chanson Imagine sur RIG. Imagine there's no heaven.

Now and Then, un cadeau de la saga des Fab Four. C'est la troisième chanson qui aurait dû figurer sur l'anthologie numéro 3 des Beatles. Et puis, vous savez que je vais les chercher, les auditeurs et les auditrices. J'ai été obligé d'utiliser mon téléphone personnel pour envoyer un message à Julie pour lui dire « Hey, la saga, c'est commencé !» Elle vient de m'envoyer un message en disant « Bon sang, je suis à la bourre, j'arrive !» Donc la voici, Julie, elle va pas tarder à arriver sur Facebook ou sur Maca Club. Coca Mami Business sur RG. C'est George Harrison dans la saga. Bust my back on the levee, broke my strings on the BBC. Found the chops on Yelpine Island, my dues at the mall. Dash my virginity in this cockamamie business. Got my face on its syllable, broke my heart on the soul train. Introduced to bad company, my sails down the brain drain. The missus missed the girlfriend. This cop to make a business. Now we like to air condition. The air has no ozone. Chopping down the forest for McDonald's and the Burger King. Eating cows with such persistence doesn't offer much resistance to this cockamamie business. say that I've got nobody but you. But as from today, well, I've got somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Another girl. She's sweeter than all the girls and I met quite a few. Nobody in all the world can do what she can do. And so I'm telling you this time you'd better stop, for I have got another girl. Another girl who will love me till the end. Through thick and thin she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you. But as from today, well, I see somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Another girl who will love me till the end. Through thick and thin she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you. But as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Another Girl en 1965, tirée de l'album Help Us. C'est une composition de Paul, écrite durant de courtes vacances passées en Tunisie et utilisée lors de l'une des scènes sur l'île de Balmoral aux Bahamas. Dans cette chanson, Paul décrit la pression qu'il subit de la part de sa petite amie qui souhaite transformer leur relation en un engagement à long terme, ajoutant qu'il sait qu'il ne le fera pas parce qu'il en a déjà trouvé une autre. Oh, le coquin. Alors que le public le croit fidèle à Jan Asher, il fréquente d'autres femmes. John a un jour déclaré que leur chanson était comme une signature. Même lorsqu'ils ne voulaient pas parler d'eux-mêmes, elles révélaient leurs traits les plus fondamentaux. C'était toujours évident, si l'on regardait sous la surface, tout était dit. Le ressentiment ou l'amour ou la haine, tout transparaissait dans nos chansons. Another Girl fut enregistrée le lendemain même du jour où Paul est rentré de ses vacances en Tunisie. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson. Et on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney en 2005. Et le titre du morceau, c'est This Never Happened Before sur RIG. McCartney dans la saga des Fab Four. I want you to fly. Paul McCartney tout à l'heure dans l'album de la semaine Chaos and Creation in a Backyard avec This Never Happened Before, et puis sur un CD à part, la face B si on peut dire, de Jenny Raine, I Want You to Fly, une superbe chanson qu'il fallait absolument avoir, et surtout que sur cette chanson là il se permettait de refaire le style qu'il faisait dans les années 70, c'est-à-dire deux rythmes complètement différents dans une chanson. Je prends par exemple Ben on the Run, par exemple, il y en a d'autres, mais ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait ça, et cette chanson est absolument superbe. La prochaine chanson, c'est vous qui me l'avez demandé, je crois que c'est Nathalie, je ne suis pas sûr. Elle a tellement aimé la semaine dernière qu'elle a dit j'aimerais bien la réécouter, et moi je vous écoute quand vous me demandez quelque chose. Ringo sur RG. Ringo Starr, Ringo Starr. Extrait de Postcard from Paradise, voici Right Side of the Road. You do it's not what you do. The only one you're fooling isn't me, it's you. Didn't I try to tell you you're carrying a much too heavy load? You're on the right side of the wrong side of the road. For disaster, something's gotta change. You're only moving faster, almost out of range. Head first in a bad direction, till you got no place left to go. No, no, no. You're on the right side of the wrong side of the road. Somebody already told me, oh, just what I'm telling you. I've learned, ask anybody who knows me. I believe you can do it too. Un bon petit Ringo Starr, l'album sort le 31 mars en France, aux États-Unis, partout dans le monde, et je vous conseille de l'acheter. On a l'impression, nous, on a déjà écouté trois chansons, que c'est un très très bon cru. Vous pouvez me croire. Essayez d'expliquer ça en anglais. Voici les Beatles, si vous le voulez bien. I Should Have Known Better d'abord, et Babies in Black ensuite, sur RIG. Kiss good. too. So I should have realized a lot of things before. If this is love, you gotta give me more. Give me more. Hey, hey. En théorie, il reste un quart d'heure. On va pousser un petit peu les meubles pour durer un petit peu plus longtemps. Je veux passer l'intégralité de la saga puisqu'on a la possibilité de le faire. Voici l'avant-dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney en 2005. Le titre du morceau, c'est Anyway sur RIG. If you love me, won't you call me? I've been waiting, waiting too long. In my soul is constant yearning. that call. You feel free to make yourself at home. Fin de la chanson, mais il nous réservait une surprise, un bonus caché, Paul McCartney. We'll be right back. Je crois qu'on ne peut pas faire plus psychédélique années 60 que ça. Le morceau s'appelle finalement « I've only got two hands », je n'ai que deux mains. Et c'était en cachet, après quelques secondes de blanc sur derrière la dernière chanson. Et lorsqu'il est ressorti sur la version iTunes, cette fois-ci, la chanson était nommée et séparée. Elle est en plus. Donc, vous avez compris, j'espère. Suivez, prenez des notes. C'est presque la fin de l'émission, mais nous avons encore le temps d'écouter au moins un John Lennon, un Beatles, et puis certainement aussi deux Ringo Starr. Voici pour Lennon, Old Dirt Road, tiré de l'album Walls and Bridges en 1974. I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. Me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, filled in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Pour la première fois à la radio, Pascal, qui chantait pendant toute la chanson avec le micro ouvert et qui ne s'en est pas rendu compte. Et moi, j'étais ravi. J'étais mort de rire tout seul. Voici Ringo Starr sur RG Free Drinks. Qui veut le faire, hein? Yeah. Ringo Starr sur l'album Choose Love en 2005 aussi. Et on finit avec encore du Ringo, et c'est sur l'album, l'avant-dernier album, celui de 2012, Think It Over sur RUG. Juste après ça. C'est un bonus caché que j'ai découvert à l'instant. Je savais pas qu'il était sur la chanson. Cold and old. Think it over and let me know. Think it over, but don't be slow. Just remember all the birds and bees. Go by twos through life's mysteries. You think it over, you think it over. A lonely heart grows cold and old. I'll play it to me. Alors en principe, la chanson est finie, mais l'émission est finie. Et puis bon. C'est vrai que quand une jolie et jeune femme me demande quelque chose, j'accède tout de suite. Mais quand un pote me demande quelque chose, je peux le faire aussi. que ça s'arrête. C'est ainsi que se termine cette 248e édition de la saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous bientôt, peut-être la semaine prochaine, on va le savoir très très vite, et pour d'autres aventures. À très bientôt, merci d'avoir écouté. Ciao, bye bye, et see you next time. Bye bye. Yeah.